L'Université Laval s'en vient dans deux semaines. Ils ont sorti une stats sur la rentrée des cégeps que je trouve hyper intéressante et qui nous annonce l'avenir du Québec et des relations hommes-femmes. Je vais vous poser d'abord la question, tiens. Essayez de deviner quel est actuellement le rapport là homme-femme dans les cégeps. On est rendu à combien? Vous devez bien vous douter, avec ce qui se passe, le décrochage scolaire des garçons secondaires, qu'il y a plus de filles. Mais combien? Moi, matin, j'ai pogné de quoi? Moi, j'aurais dit, avant de voir le chiffre, un petit peu plus. J'aurais peut-être dit 55% filles. Un petit peu plus de filles. Ouais, un petit peu plus. Okay. Mais je sais qu'à l'université, dans certaines branches, on le dit souvent, en médecine, en droit, il y a plus de femmes. Mmh. C'est du 70-80% à l'université. Mais le secondaire, c'est toujours bien 50-50 ou pas loin. Ouais. C'est obligatoire. Fait que, en tout cas, jusqu'à un certain âge, t'as pas le choix. Il y a des DEP un peu plus de gars, oui, il y a des, mais... Là, on est rendu à, tenez-vous bien, 58 à 42. On mange une claque, les gars, là. 42% des garçons au cégep. 58% des filles, et la tendance augmente, donc on pognait le 60-40. Dans d'ici, peut-être l'an prochain, ça va, ou dans deux ans, ce sera 60% de filles au total au cégep, 40% de garçons. Je sais pas si vous deux, vous anticipez tout ce que ça va amener. Il y en a qui vont dire, on s'en fout, mais non, c'est pas, peut pas, là. Les femmes vont gagner plus cher que nous. Les femmes vont être plus éduquées que nous. Les femmes vont... Là, je sais, là, il y a plein d'exceptions. D'abord, un gars qui va pas au cégep, moi, j'ai même pas de bac, moi, je suis juste allé au cégep, puis me sens pas inférieur à personne qui est allé à l'université. Je suis pas une moins mauvaise personne, moins intelligente, il faut le rappeler. Mais, faut que tu regardes la masse, là. Grosso modo, plus tu vas à l'école, plus tu gagnes cher. C'est ça, là. Habituellement. C'est incontestable. Oui, il y a des gars qui vont lâcher au secondaire, partir le business, inventer de quoi, ou des filles, bravo, excellent. Puis on le sait, il n'y a jamais un seul chemin pour mener à la réussite ou la prospérité. Mais, globalement, là, les gars, on mange une claque. Là. Mais qu'est-ce que ça changerait, selon toi, selon si les filles se mettent à gagner plus cher que les hommes? L'expert dans le journal le matin, il est clair et net, plus de divorces. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de supporter que votre blonde va gagner plus que vous? Exact. Moi, non. Moi, je suis pas capable. Non? Ah non. Pourquoi? On a de la misère. Pourquoi? Tu le sais, Catherine, tu l'as dit toi-même, hier ou avant-hier, ça fait 10 000 ans qu'on a dans nos gènes. C'est long, 10 000 ans. Mm-hmm. Ça, depuis quand la femme domine l'homme? Depuis à peu près 5-6 ans, là, moi, je pense que vous êtes vraiment power female, là, mais ça va encore power, s'accentuer. J'aime tellement ça, pas ce terme-là. OK? Donc, t'as-tu idée, 10 000 ans, comment ça rentre dans la culture de quelqu'un? Ça fait 10 000 ans, là, vous pouvez le voir négativement. Là, les féministes vont dire, ça fait 10 000 ans que l'homme domine la femme. Moi, je le vois pas de même. Ça fait 10 000 ans que l'homme, notamment, protège la femme. C'est dans notre côté de s'occuper de vous autres, d'être un pourvoyeur, de voir à votre sécurité, je pourrais te donner des tas d'exemples. Ah, mais je pense que le modèle québécois aujourd'hui, on a des hommes qui, je retiens ta théorie, là, ce dont on a parlé hier. Je te l'accorde à 100%. Mais le modèle québécois aujourd'hui des familles, des jeunes couples, OK? C'est plus ce que c'était non plus. Le gars, là, on le veut très impliqué dans l'éducation des enfants. Pas qu'il va travailler 90 heures par semaine puis qu'on le verra pas. On veut un père qui est là pour ses enfants, puis qui est présent, puis qui s'implique. Oui. Puis on veut un gars qui va faire autant la vaisselle que le lavage c'est que ça. La fille. Puis vous voulez qu'il braille, puis qu'il soit proche de ses émotions, puis accepte que vous payez. Vous voulez une femme, c'est ça que vous voulez. Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Les gars, ça demande. On veut un modèle masculin fort, on veut un père fort et présent pour assurer un équilibre homme-femme au sein de la famille. Non, mais là, je te parle pas de salaire. Là, à un moment donné, là, tu peux pas te, on veut avoir ça, c'est ça. L'homme, il doit à la fois, tu sais, être, qui faisait une bonne joke là-dessus? Je pense que c'est François Morancy. C'est ça. Là, les filles, là, exemple, là, les gars, aujourd'hui, faut qu'on soit galant, mais pas trop. Tu sais, parce que trop galant, fait que là, genre, t'ouvres la porte à la fille, mais là, juste au moment où elle embarque, tu la refermes. Ouais. Fait que nous autres, il faut qu'on soit salope, mais pas trop. Faut qu'on soit une bonne femme, une bonne mère, mais aussi une bonne maîtresse. D'autres, faut bonne qu'on amante. Soit tough, rough, protecteur, mais aussitôt qu'on écoute un film, on braille, on est proche de nos émotions, on parle de nos sentiments, puis... C'est pas ce que j'ai dit. Juste sur l'argent. Moi, je veux rester sur l'argent surtout parce que là, c'est ça qu'on pourrait élargir le débat, mais... Quand je dis que moi là, une fille qui paierait tout le temps pour moi, je me sentirais, je le sais là, j'aurais pas de misère que de temps en temps elle paye au restaurant. Mais si ma blonde gagne plus cher que moi, puis elle paye tout le temps pour moi, ça va m'affecter. Je serais pas capable. C'est mon rôle, ça. Quand je paye le souper à une fille au restaurant, c'est pas juste de la crouse puis faire les l'état d'être, hey, tiens, payer le repas. Je m'occupe d'elle. J'ai le sentiment, je m'occupe de toi. Un gars, c'est comme, hey, j'ai travaillé. Puis je t'occupe de ta femme. Je te protège, entre guillemets. Non, non, c'est pas juste l'argent. C'est tous les autres aspects ben aussi. Oui. On a ça en nous. Et là, quand la femme domine, parce que c'est elle qui a le portefeuille, le gars, il se sent pas bien. Il peut pas se sentir bien là-dedans. Ça peut pas être le fun. Regarde, l'expert, il disait un matin, plus de divorces, plus de séparations. C'est sûr et certain. On s'en va vers ça. Mais je trouve qu'il y a, un double discours là-dedans que j'entends beaucoup dans des discussions que je peux avoir avec des gens autour de moi que, tu sais, faudrait que la fille gagne plus qu'elle gagne maintenant, mais surtout pas plus que le gars, tu sais. Parce que si, admettons, lui, c'est un joueur de hockey avec les gros millions, puis qu'elle, elle a fait ses études en coiffure, bon, c'est bien, elle s'est poignée un gars qui allait la faire vivre. Non, il y a des, je sais. Tu comprends, le double discours est là aussi, ouais, là. Ouais, mais moi, je fais juste attirer votre attention. Puis là, des gens qui vont dire, ouais, mais en passant, t'es en train de nous dire, Butch, que le gars devrait toujours donc gagner plus cher que la femme. Ça marche pas, ton discours. Ben non, ça peut pas marcher. Justement, c'est pas ça, mon point. Et, la femme, elle peut gagner plus cher que le gars. Vous savez bien que je suis pas contre ça. Moi, mon discours, il est juste, ça fait 10 000 ans que c'est pas ça. Puis ça fait 10 000 ans qu'en nous, il y a de quoi qui est pas nécessairement macho dans l'aspect protection, qui va aussi à pourvoyeur financier. Et là, vous allez nous retirer ça. Les hommes vont perdre leur repère. Pourquoi vont on sentir vous le retire? Moins gars, vont sentir moins. Parce que là, vous allez non seulement gagner plus, mais vous allez être plus éduqué. Pourquoi c'est nous qui faisons ça? Plus. Mais pourquoi c'est pas vous qui vous allez pas plus à l'école? Pourquoi c'est notamment notre faute? Tu sais, tu dis, vous nous retirez ça. Pourquoi c'est notre faute oui, à nous, les filles? Oui. Sylvain. Là, tu pensais que j'allais backer, j'allais dire, oh non, mais c'est trompé. Oui. Parce pourquoi? Que vous avez féminisé les écoles. OK. Là, c'est une autre affaire dans laquelle wow. J'embarque pas. Okay. Ben donc, les ça a sont toujours féminines. Été les femmes qui étaient là, Émilie Bordelot, les maîtresses de rang, puis tout ça. C'est la base même de l'éducation, de la colonie, les quel religieuses. Bon c'était rare les gars qui avaient l'opportunité d'étudier pour y aller se faire enseigner par des prêtres ou des hommes au séminaire et tout ça. C'est plutôt rare, ça. Ton exemple, il est bon, je l'aime, moi le prends, mais pour moi. Émilie Bordelot, dans son temps, oui, c'était une femme, OK? Mais elle n'enseignait pas dans une école féminisée. Quand elle venait le temps de jouer au soccer, ou il jouait pas au soccer dans le temps, ou au hockey, il comptait les points, il se frappait, les petits gars saignaient du nez, puis c'était pas grave, une petite taloche par-ci, il y avait de la compétition, puis Émilie Bordelot passait pas son temps à demander à Ovila, Roy Dupuis, là, parle-moi de tes émotions, viens au milieu de la classe. Non, non, non, accouche avec. C'est ça qu'elle faisait. Parle-moi d'une prof sexy. T'as pas été poursuivie. Non! Ça ne dit pas de bon sens, scandale! Alors, c'est baigné tout nu dans une rivière, puis on couche ensemble. Bref, mais c'est pas la faute, t'aurais. Il y a toujours eu plus de femmes dans les écoles primaires. Oui. Je te le donne! Mais c'est l'environnement autour. Maintenant, c'est des écoles, avec l'expression que t'aimes pas, power female. Pas faute des filles, c'est le système qui a voulu que les petits gars se retrouvent pas, parce qu'il y a plus de modèles, il y a plus de compétition, il y a plus de sport. Reconnais-le. Totalement. Hein, là-dessus, il y a moins de sport, c'est moins le fun, il y a plus de compétition, ouais. Etc. C'est plate, c'est dole. Puis les profs, les jeunes garçons avec la réforme scolaire, très basés sur le ressenti, les émotions, l'expression. Garde, on est moins bon là-dedans. C'est sûr que veux-tu? Ça, tous les experts vont le confirmer que l'école s'adresse moins aux garçons maintenant. Tu l'as dit, moins de sport. Ça, c'est sûr, c'est un problème. Puis tant qu'à moi, c'est un problème pour les filles. OK? L'élaboration de l'estime de soi, là, le sport est un très, très, très, très bon moyen d'y arriver. Maintenant, faut que les sports, ça comprenne plus d'affaires que juste, juste le basket ou juste le hockey, tu sais. Ça peut être plein, plein, plein d'affaires. Là où je voulais en venir, c'est que oui, tous les experts, ils disent qu'il y a un problème pour les garçons. Maintenant, est-ce que l'université est ultimement la seule façon de réussir dans la vie? Non. Tu peux très, très, très bien gagner ta vie en ayant un diplôme professionnel. Oui, mais c'est parce que tu parles de... Dans les 6 chiffres, là. Il est possible de... Il y a des exceptions. Je te parle de la moyenne. Globalement, quand tu vas te chercher un diplôme, ce que les femmes font puis que les gars ne font plus, je vous répète pourquoi on parle de ça ce matin, les cégeps, c'est tout nouveau. On approche du 60-40 en faveur des femmes dans les cégeps. Puis ça continue à monter, puis ça monte. Alors, vous allez gagner plus cher globalement que nous, et ça va amener des difficultés dans les relations de couple, selon les experts, parce que ça fait 10 000 ans qu'on... Ça fait 10 000 ans que c'est pas ça. C'est pas un petit changement, là. Puis il faut arrêter de voir le côté, le gars protège la femme comme un symbole de domination. À la limite, ça peut être vu comme de la galanterie, comme du... exemple, quand tu te maries, tu sais pourquoi le mari est d'un bord puis la femme de l'autre? Non. C'est pas un hasard, là. La femme est à gauche, mettons devant l'autel, puis le mari est à droite. Tout le temps. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'autrefois, l'homme devait toujours avoir sa conjointe ou son amoureuse à sa gauche, parce que s'il était attaqué, fallait que ce soit l'homme qui défende la femme, et il devait dégainer son épée avec sa main droite. Ouh. Donc, la main droite devait toujours être libre pour dégainer son épée et défendre sa douce. Tu vois comment c'est beau? C'est comme ça qu'il arrangeait les mariages. C'est un symbole. Le gars, tu te maries, tu vas maintenant être responsable d'elle et tu vas la défendre. À l'époque, au Moyen-Âge, c'était l'épée puis la défendre. Ouais. Aujourd'hui, la défense, protéger une femme, ça veut plus dire sortir ton épée. Mais ben non, ça veut dire qu'il faut que tu marches du côté du trottoir. C'est ça pareil, hein? La galanterie, oui. C'est que le gars doit marcher du côté du trottoir puis la fille de l'autre ton côté. Ton exemple est parfait parce que ça existe, je l'ai déjà entendu, oui, ça. Oui, oui, le oui. gars doit être là. S'il arrive un troc, s'il arrive de quoi, c'est nous autres faut qui mangent le coup. Quoi à sa place. Pas drôle, là. Mais ça, c'est pas une question de salaire. Non, mais ça fait partie l'aspect financier. Tu sais, aujourd'hui, moi, je peux plus dégainer mon épée, mais je peux dégainer mon portefeuille et offrir un repas à une fille. Ça peut être une façon d'être galant et de dire, je m'occupe de toi. Vous allez voir cette fille-là comme une gold digger. Ouais. Non, je pense pas, moi. Hein. S'il faut en plus qu'il y ait une différence d'âge entre les deux. Oh! Non. C'est ça qu'elle tape avec pour son cash. Ah ouais, là tu rentres dans le jeu des perceptions un peu. Mais là, tu mets des exemples aussi, plus, là. Mais je vais essayer de parler à matin, il y a beaucoup de gens encore en vacances, soit Yvon Dallaire ou quelqu'un de même, là, pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense de ça. 60-40 au cégep, c'est tel que tel, mais Yvon Dallaire? Ah ouais, après la pause, ben je me ferme puis c'est beau. Parfait. Yvon Dallaire, c'est un des grands experts au Québec dans les relations hommes-femmes, là, il est bon, OK? Et on va pouvoir y demander... le fait que c'est 60-40, ça va amener donc financièrement des impacts. Quel genre de couple on va avoir au Québec au retour de la pause? Si vous ne venez pas nous voir, vous allez vous en vouloir.